Je cherchais un peu de miel pour mettre sur mon pain, pour calmer ma peine deux ou trois fois. J'ai trouvé ma calvinime, trois oranges douces, un autre de vin. Je cherchais un peu de miel pour mettre sur mon pain, pour calmer ma peine de trois fois rien. J'ai trouvé ma cavaline, trois oranges douces, une outre de vin, et de sortilège une marguerite, le chant des oiseaux. Je cherchais la vague qui m'emporterait loin de mes regrets, de mes vers remords. J'ai trouvé la mer et son étreinte salée, des gants de bronze vert, la sauvage lanière des algues déliées. Je cherchais un lit, ta voix de loin, une mélodie pour me garder du froid. Tu m'as ouvert la porte, allumé mon regard, dénoué mes habitudes, tu m'as tendu les...